la position du projectile relativement à la Lune s'était modifiée. Et maintenant, son culot était tourné vers la Terre. « Ou la vitesse du projectile sera insuffisante, » dit Barbicane. « Et alors, il restera éternellement immobile sur cette ligne de double attraction. Ou sa vitesse sera suffisante et il reprendra sa route elliptique pour graviter éternellement autour de l'astre des nuits. » Révolution peu consolante, dit Michel. Passer à l'état d'homme serviteur d'une lune que nous sommes habitués à considérer comme une servante, et voilà l'avenir qui nous attend. N'y a-t-il donc rien à tenter? Non, répondit Barbicane. Prétendrais-tu lutter contre l'impossible? Pourquoi pas? Un Français et deux Américains reculeraient-ils devant un pareil mot? Mais que veux-tu faire? Maîtriser ce mouvement qui nous remporte? Le maîtriser? Oui, reprit Michel en s'animant. L'enrayer ou le modifier? L'employer enfin à l'accomplissement de nos projets. Et comment? C'est vous que cela regarde. Si des artilleurs ne sont pas maîtres de leurs boulets, ce ne sont plus des artilleurs. Barbicane ne pouvait en aucune façon apprécier la vitesse du projectile. Mais le raisonnement lui démontrait que cette vitesse devait uniformément diminuer, conformément aux lois de la mécanique rationnelle.